إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre Umdatul Ahkam. On est arrivé aujourd'hui au chapitre Babu Siwak, c'est-à-dire le chapitre au sujet du Siwak. As-Siwak, comme le Cheikh il va l'expliquer, on va dire que c'est un instrument par lequel on peut se nettoyer la bouche. Étant donné qu'on a terminé de parler de tout ce qui a rapport avec Al-Istitaba, hein, Wat-Tatahur, Al-Istitaba, hein, qu'est-ce qui a rapport avec la propreté, le fait de se nettoyer et toutes ces choses-là, comment on fait pour les manières d'aller faire nos besoins et comment se nettoyer après. Eh bien maintenant on parle d'un autre sujet qui est relié à ça aussi encore, c'est-à-dire comment on nettoie notre bouche pour rester propre, pour avoir une bonne haleine et pour toujours sentir bon. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des choses qu'il ne supportait pas, c'est d'avoir une mauvaise haleine ou d'avoir une mauvaise odeur qui sort de lui. Que ce soit de son corps, de ses vêtements ou de sa bouche, ou peu importe. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas supporter d'avoir en lui une mauvaise odeur quelconque. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait beaucoup d'importance justement à tout ce qui a rapport avec la propreté, et avec la purification, et aussi avec l'utilisation du siwak, hein, pour se nettoyer la bouche, pour purifier la bouche, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit ici, bab al-siwak, al-siwak bi kasr al-sin ismun lil'ud alladhi yutasawwaku bihi wa lil'fi'l alladhi huwa dalk al-asnan bil'ud aw nahwihi litadhhab as-sufra aw wal-awsakh وليطهر الفهم ويحصل الثواب. ومناسبة ذكره هنا أنه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها، فهو أحد أبواب كتاب الطهارة المتقدم، وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, avant de commencer avec les hadiths du chapitre, il explique que le siwak, quand on dit siwak, c'est avec, des fois on dit le miswak et des fois on dit le siwak, les deux c'est dans le même sens, et c'est un, habituellement qu'est-ce que les gens utilisent, c'est un morceau de bois d'une racine spécifique qui est faite d'un arbre qu'on appelle al-arak. Donc, tu vois, donc c'est une racine que les gens utilisent. Puis dans cette racine-là, il y a comme un arôme dedans. Hein, puis ça goûte un petit goût piquant. Hein, puis ça, quand tu te nettoies la bouche avec, ça, tu sens une fraîcheur. Donc ça, c'est qu'est-ce que les gens utilisaient à l'époque. Et encore aujourd'hui, al-arak. C'est les racines de cette plante ou de cet arbre. Et on utilise le terme siwak aussi pour le geste ou pour l'action de se frotter les dents et la bouche avec ce morceau de bois ou autre pour enlever tout ce qui peut jaunir les dents ou salir, il y en a toute saleté dans la bouche, et pour purifier la bouche également. Et on obtient par cela, bien entendu, une récompense, puisqu'on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le faisant. Et l'occasion de, d'avoir mentionné ce chapitre dans le sujet de At-Tahara, c'est justement parce que ça fait partie des actions qui sont reliées au wudu. C'est-à-dire, c'est pas directement relié au wudu, mais c'est indirectement relié au, à la purification et au wudu. Et ça fait partie des choses qui sont encouragées, puisque ça fait partie de la purification et de la propreté. Donc c'est pour ça que le cheikh il le mentionne dans ce chapitre, hein, un des sous-chapitres de At-Tahara. Il dit parmi les bienfaits de l'utilisation du miswak, il y a la propreté, il y a la santé, il y a le fait de couper les mauvaises odeurs de la bouche, comme la mauvaise haleine, et il y a également le fait de garder la bouche propre et fraîche, et aussi d'avoir la récompense de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Et comme le cheikh il mentionne ici qu'on peut utiliser qu'est-ce qui est connu comme al-arak, le bois de al-arak, mais c'est possible d'utiliser autre chose. Et ils ont posé la question à Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple les brosses à dents qu'on a actuellement comme miswak? Et le Cheikh Al-Fawzan a dit oui, qu'on peut l'utiliser comme miswak. Puisque le miswak, c'est tout instrument ou objet avec lequel on peut nettoyer nos dents. Donc c'est pas nécessaire que ce soit exactement fait de cette racine dont on parle, mais ça peut être avec tout autre instrument qui est utilisé pour nettoyer les dents et la bouche. Donc on est arrivé au hadith numéro 17. Le hadith numéro 17 qui est rapporté selon Abi Huraira. Il dit an Abi Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Donc ici Abu Huraira il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si ce n'était que je voulais pas donner une trop grande difficulté à ma umma, je leur ai ordonné de faire le miswak avant chaque prière. Si ce n'était du fait que je voulais pas faire à ma umma quelque chose de trop difficile ou trop lourd pour ma umma, je leur ai ordonné de le faire. Donc ça c'est rapporté comme on a dit par Al-Bukhari et Muslim. La signification générale de ce hadith, comme le cheikh il explique ici, il dit min kamali nushi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbatihi al-khair li ummatihi ورغبته أن يلجوا كل باب يعود عليهم بالنفع لينالوا كمال السعادة أن حثهم على التسوك. فهو صلى الله عليه وسلم لما علم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد يلزم أمته به عند كل صلاة، ولكن لكمال شفقته ورحمته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيأثم، فامتنع من فرضه عليهم خوفا وإشفاقا ومع هذا رغبهم فيه وخصهم عليه وحضهم عليه. Donc la signification globale de ce hadith c'est quoi? C'est que pour montrer en fait à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sincère envers la umma et comment il aimait le bien pour sa umma et comment il était le premier à donner le bon conseil, et il voulait pour sa umma tout ce qui peut leur ramener un bienfait et tout ce qui peut leur donner le bonheur, que ce soit les affaires de la vie ou les affaires de la religion. Okay? Et à cause de ça, donc, il a incité sa umma, sa nation, à utiliser le miswak pour se nettoyer la bouche. Il dit donc, à cause de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su à propos du miswak de tout ce qu'il y a comme bienfait dedans, il sait qu'il y a un bienfait dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, à cause de ça, il a presque failli imposer à sa umma d'utiliser le miswak avant chaque prière. Mais, à cause de son affection et de sa miséricorde pour la umma, il a eu peur que cette chose-là devienne obligatoire et que sa umma ne soit pas capable de le faire, de le respecter ou de l'appliquer, et donc il serait tombé dans le péché en négligeant ou en ne l'ayant pas appliqué comme il faut. Et donc il ne l'a pas rendu obligatoire par peur pour sa umma et par affection en même temps et par sentiment pour sa umma. Mais malgré tout, il a incité les musulmans à l'utiliser. Il les a encouragés à le faire. Le cheikh il dit le cheikh il mentionne des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith et il mentionne sept points. Ok, comme il l'a fait pour chaque hadith jusqu'à maintenant, à chaque hadith il mentionne des fawa'id, des choses bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith. Al-awwal istihbabu siwak wa fadlihi الذي بلغ به درجة الواجبات في الثواب. Donc le fait que le premier point, c'est le fait que le siwak est quelque chose de recommandé. C'est quelque chose de recommandé dans son mérite. Mais à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a failli le rendre obligatoire, sa récompense entre dans le degré des obligations. Donc elle a la récompense des obligations, malgré que elle est seulement recommandée. Et elle a le mérite de ce qui est recommandé. Le deuxième point, تأكيد مشروعية السواك عند الصلاة. قال ابن دقيق العيد السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني لا يبعد عن السر أو أن السر مجموع الأمرين المذكورين لما أخرجه مسلم من حديث جابر من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. Donc, le deuxième point, c'est que le fait que le siwak a été légiféré lors de la prière ou avant chaque prière, c'est comme ça a été expliqué par les ulama. Par exemple, Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid, c'est un des ulama qui a expliqué, qui a écrit un sharh également de ce livre, de Umdatul Ahkam. Et dans son sharh, il explique que le secret dans ce hadith, ou dans l'utilisation du miswak, c'est qu'on est ordonné à chaque instant, yani, du moment qu'on se rapproche d'Allah, d'être en état de propreté et dans l'état le plus parfait possible. Et ça, c'est pour montrer à quel point l'adoration a une importance et à quel point on doit honorer l'adoration d'Allah. Donc, étant donné que l'adoration, c'est quelque chose de tellement important, eh bien, on doit être dans notre état le plus propre et le meilleur possible. C'est comme lorsque quelqu'un doit rencontrer un homme important dans cette vie. Un directeur ou un président ou un maire ou quelqu'un qui a un degré dans la société. On va toujours essayer, surtout si c'est quelque chose d'officiel, d'être bien à pied, de sentir bon, d'être propre. Et bien, quand on fait notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être encore plus que ça. Puisque Yani, c'est notre créateur et c'est une adoration qu'on est en train de faire pour lui. Donc, on doit essayer d'être propre pour montrer le respect et l'honneur qu'on a envers yani, justement l'adoration qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ça a été dit que ou certains savants ont dit que ça a un rapport avec les anges aussi, puisque les anges sont offensés ou ressentent du, c'est-à-dire ça leur fait du mal ou ça leur fait du tort quand ils sentent une odeur qui est mauvaise. Quand ils sentent une odeur déplaisante, ça leur fait du mal. Et donc, l'imam As-San'ani a dit, ça se peut que également ce soit les deux choses, l'importance de la propreté pour l'adoration et également pour pas nuire aux anges, comme ça a été rapporté dans le Sahih de Muslim selon Jabir, qui a dit que celui d'entre vous qui mange de l'ail ou de l'oignon, ou il a dit al-kurath ou al-kirath, c'est un autre, une autre plante que lorsque tu le manges, ça émet une odeur forte, hein, qui est déplaisante. Donc il dit, lorsque vous mangez ces choses-là, n'approchez pas nos mosquées, car les anges ressentent du mal ou sont affectés, hein, de la même manière que les fils d'Adam, par les mauvaises odeurs ou par ces odeurs-là. Donc celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, il ne devrait pas approcher les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui disent ça, c'est, ça concerne l'ail et les oignons quand ils ne sont pas cuits. L'ail et les oignons quand ils ne sont pas cuits, parce que si tu les manges crus, ça émet une odeur très forte. Et puis si tu viens à la mosquée et que tu sens ça, eh bien ça dérange les autres, hein? Et ça c'est pas seulement pour les odeurs qui, comme l'ail et les oignons, mais toute odeur et senteur qui est forte et qui dérange les gens, que les gens n'aiment pas sentir, d'accord. Et c'est pour cette raison là même que à l'époque à l'époque, disons au début du siècle, lorsque les gens ont commencé à parler de la cigarette, hein, il n'y avait pas beaucoup de découvertes scientifiques qui avaient prouvé les effets néfastes de la cigarette sur le plan médical, hein. Donc les gens se basaient sur l'odeur de la cigarette pour dire que c'était haram, tu vois. Et en fait ils ne disaient pas que c'est haram à cette époque-là, ils disaient que c'était makruh, que c'était détestable. Pourquoi? Parce que c'était par rapport à l'odeur, hein? Donc il disait, puisque l'ail et l'oignon, c'est des choses qui sont détestables, pas recommandées, donc dans ce cas-là, la cigarette aussi. Plus tard, par la suite, lorsque les savants ont eu connaissance des recherches médicales qui ont été faites sur la cigarette et les effets néfastes que ça peut avoir sur les poumons et sur le corps, hein, eh bien, à ce moment-là, ils ont émis la fatwa que la cigarette, c'est haram, et de fumer, c'est haram complètement, pas seulement makrouh, mais haram, hein, et que que les musulmans, on n'a pas le droit de fumer ou de vendre la cigarette. Donc, même si c'est répandu encore maintenant dans les pays musulmans et que beaucoup de musulmans fument, sauf que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est encore quelque chose qui est makruh à cause de l'ancienne fatwa. Mais l'ancienne fatwa était basée sur l'odeur seulement. Tandis que la fatwa qui est sortie dernièrement, que les ulama ont faite, c'était basée sur une connaissance plus approfondie des effets néfastes de la cigarette. Et donc là, c'est clair maintenant que c'est haram et que c'est pas seulement quelque chose de makruh. Et il y a des ulama qui ont écrit des livres sur ce sujet-là, alhamdoulilah, pour clarifier le sujet. Non. C'est clair que c'est haram. Ouais. Et même que sur les paquets de cigarettes maintenant, ici, au Canada et dans d'autres pays, ils écrivent dessus la cigarette tue. La cigarette cause le cancer des poumons. La cigarette fait ci, la cigarette fait ça. Après, comment quelqu'un peut voir ça puis quand même oser continuer à fumer, tu vois? Donc, c'est quelque chose qui est criminel, Yann. Et sans parler de la religion, je me rappelle, j'avais pris un cours à l'université il n'y a pas longtemps, et c'était par rapport au développement psychologique des enfants et tout ça. Le prof, il a dit que celui qui fume, hein, c'est, celui qui fume, c'est une pathologie. C'est-à-dire, c'est une pathologie. C'est-à-dire, c'est, ça veut dire que c'est une maladie. Hein. C'est quelque chose de, parce que c'est comme si la personne, elle se suicide. Elle se suicide à petit feu, tu vois. Tu sais que quelque chose va te tuer, et tu continues à le faire quand même. Non seulement c'est un gaspillage d'argent, mais aussi c'est un gaspillage de ta vie, de ta santé. Hein? Et ça, c'est, dans ce cas-là, c'est clair que c'est haram. Ouais, mais le fabriquer, c'est la même chose. C'est pas permis, tu comprends? Et ceux qui le font, ils font des milliards de dollars avec ça, mais il faut, celui qui est mu'min, parce que la plupart des compagnies, je sais pas, les propriétaires, je pense pas que ce soit des musulmans. Si ce sont des musulmans, ben, bien entendu, ils doivent craindre Allah par rapport à ça. Mais si c'est... Oui, ça c'est clair. Oui, qui cultive le tabac, ça je le sais. Parce que, ouais. Même la marijuana et tout, ouais. C'est ça, parce que... Oui, bien sûr, c'est bien sûr que ce sont des musulmans. On ne dit pas que ce ne sont pas des musulmans, parce qu'on sait que selon la aqidah de Ahl al-Sunnah al-Jama'a, celui parmi les musulmans qui commet un grand péché, on ne va pas le faire sortir de la religion. On ne va pas le faire sortir de la foi pour un péché. À moins qu'il le fasse devenir licite. C'est-à-dire qu'il le déclare licite avec connaissance de cause. S'il connaît les preuves, puis que malgré tout il le rend halal avec connaissance, hein, de son interdiction, là ça devient de l'istihlal, ça devient kufr. Mais tandis que s'il fait le péché sans le rendre halal, il sort pas de la religion musulmane. Il est toujours considéré un musulman, sauf qu'on va dire à son sujet que c'est un musulman qui a une foi faible, ou bien qui est pécheur, hein, qui est un musulman pécheur. Donc ça, c'est par rapport à ça. S'il y a des musulmans, surtout dans les pays pauvres, dans les pays musulmans qui sont pauvres, ou bien dans les petits villages où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, il y en a qui, à cause de la faiblesse de leur foi, vont justement cultiver ces choses-là. Le tabac, la marijuana, des choses de ce genre. Et dans certains autres pays, c'est de l'opium et d'autres choses interdites. Non, c'est pas la même chose. C'est des plantes différentes qui ont des effets différents, mais tout ça c'est interdit dans l'islam. Hein. En tout cas, pardon? Oui, la cola, c'est avec ça qu'ils font le cocaïne. Tu veux dire la coca? La cola? Ah, celle-là, ça c'est une plante en Afrique. Ça, je sais pas. Je les ai vus vendre ça à Médine. C'est comme des trucs verts. Puis tu l'ouvres à l'intérieur, il y a une noix. Ouais, c'est ça. Ça, je sais pas. Ça rougit les dents. Ça crée une dépendance. Ok. Ouais, non, c'est ça. Il faudrait juste. Non. Donc, si c'est le cas, il faudrait juste avoir des références pour prouver que c'est vrai. S'il y a des fatwas, des ulama sur ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, yani. Sinon, ben, il faut juste vérifier pour ramener les... Parce que moi, c'est là-bas que je l'ai vu, hein, je ne l'ai pas vu ailleurs. Je me rappelle qu'à Médine, ils vendaient ça dans les rues, hein. Les femmes africaines, elles vendaient les trucs de, comme vous appelez, cola, là. Ils donnent ça pour dans les mariages aussi. Lorsqu'il y a un mariage, ils donnent ça à la famille. Non, c'est pas des feuilles. C'est comme une noix, en fait. C'est un truc en Afrique. Il y a la feuille qu'ils mangent au Yémen et en Bangladesh, le qat. Ça s'appelle le qat. La même chose, ça aussi. Ça aussi, ils le mettent dans leurs dents, puis le reste, là, ça rend les dents rouges aussi. Exactement. Donc tout ça, ça rentre là-dedans. Et c'est aussi le tabac à chiquer. Il y en a qui disent, bon, puisqu'on le fume pas, c'est pas grave. La chicha aussi. Ça, c'est à la mode ici. Hein? La chicha, c'est devenu à la mode. Et il y en a qui pensent que c'est moins nocif que la cigarette. Et même que c'est aussi nocif ou sinon pire. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en abstenir. Oui. Non, mais j'ai entendu même certains musulmans qui sont pratiquants qui pensent que La chicha, c'est pas la même chose que la cigarette, et qui fument pas la cigarette, mais qui prennent la chicha. Donc, ouais, ouais. Oui, c'est ça. C'est contradictoire, Yanni. Oui, non, ça c'est la contradiction. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant, en fait, mais il y a des médecins, c'est-à-dire, j'ai entendu des documentaires qui ont été faits là-dessus, puis il y a des médecins qui ont dit que c'est pareil, sinon pire que la cigarette. Ah bon, tu vois? Donc c'est clair que c'est dangereux. Et en Arabie Saoudite, les fatwas des ulama ont interdit la chicha, ça c'est clair que c'est interdit. Ah, ça, la cigarette électronique, ça, c'est le hukum. Pour dire la vérité à ce sujet-là, je ne suis pas encore informé. Mais ça ressemble à la vraie cigarette. Donc là-dessus je ne me prononce pas, puisque je ne suis pas encore renseigné en détail. Mais aussitôt que j'ai de l'information détaillée sur la question, Inch'Allah, je vais revenir là-dessus. Inch'Allah. Donc ça, c'est par rapport aux mauvaises odeurs et à la cigarette et ces choses-là. Troisièmement, فضل الوضوء والصلاة المستعمل معها فضل الوضوء والصلاة المستعمل معها السواك. C'est-à-dire le mérite du wudu et de la salat dans laquelle, c'est-à-dire avant laquelle on va, c'est-à-dire quand on fait la salat, avant de faire cette salat, on utilise le siwak, et bien ça fait que ça a un mérite, hein. Il y a un mérite particulier à l'utiliser à ce moment-là, puisque ça fait partie des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith lawla an ashqa ala ummati la amartuhu bis siwak inda kulli salat. Le point numéro 4, innahu lam yumna' min fard as siwak. Le point numéro 3, oui, c'est ça, fard, le mérite du wudu et de la salat pour laquelle on utilise le miswak. C'est ça le point numéro 3. Le mérite du wudu et de la salat pour laquelle ou avec laquelle on utilise le siwak. Le point numéro 4, innahu lam yamna' min fard as-siwak illa makhafat al-mashaqqa fi al-qiyam bihi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a empêché l'obligation du siwak excepté la crainte que ce soit trop lourd pour la Ummah, que ce soit trop difficile. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui devient trop difficile, hein, eh bien ça ne devient, ça peut pas être obligatoire. C'est quelque chose qui devient trop difficile, c'est même une règle dans la charia, hein. Al-mashaqqa tujlibu at-taysir. C'est une des cinq grandes règles de fiqh, hein, al-qawa'id al-fiqhiyya dans la religion de l'islam. Le point numéro 5, le 4, c'est que je vais trop vite, ok. Ok, d'accord, je vais vous laisser le temps d'écrire. D'accord, c'est que la seule chose qui a empêché de rendre le, ouais, mais je le peux, toi tu as commencé à écrire, il n'y a rien. Ok, d'accord. Donc, il n'y a rien qui a empêché de rendre le siwak obligatoire, excepté la crainte de que ce soit trop difficile pour la Ummah ou que la Ummah ne soit pas capable de le faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a empêché que le siwak devienne obligatoire? C'est la crainte que ce soit trop difficile pour la Ummah. D'accord? Non, c'est ça. Oui, des fois il y a plusieurs façons de dire les choses. Ok, le point numéro 5, kamal shafaqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ummatihi wa khawfuhu alayhim. C'est-à-dire dans ce hadith là on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup sa umma et comment il avait peur pour sa umma. Ok, le point numéro 6. Inna shar' yusrun la usra fihi wa la mashaqqa. Le point numéro 6, c'est que la législation islamique, elle est facilitée. Et il n'y a dedans aucune difficulté. Il n'y a pas de difficulté et il n'y a rien qui est trop lourd pour l'homme à un point tel qu'il n'est pas capable de le faire, ou que c'est trop compliqué ou trop difficile. D'accord? Donc la législation, c'est la facilité. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith, « Inna dina yusr » Et il dit « Yassiru wa la tu'assiru » Facilitez la religion, il ne la rendez pas difficile. Hein? Donc la religion, elle est facile. En elle-même, elle est facile. Pas besoin de la changer pour la rendre facile. Elle est déjà facile. Parce qu'il y en a des gens, parfois, ils disent « Inna dina yusr » Puis ils veulent essayer de rendre halal ce qui est haram pour la rendre plus facile. Mais là, c'est dangereux, là, dans ce cas-là. C'est pas ça ce que ça signifie que la religion est facile. La religion est facile, ça signifie que Allah l'a rendue facile. Et il a mis dedans plein de moyens pour la rendre facile pour les gens dans toutes les situations et dans toutes les circonstances. A'udhubillah, a'udhubillah. Oui, non, j'ai entendu ça. Il y a beaucoup. Oui, non, il y a des gens comme ça parmi les soufis, ils croient qu'il n'y a rien de haram, tout est halal. Mais ça, c'est des gens d'égarement, tu vois. Ça, c'est des gens égarés. Non, le point, c'est que de bien comprendre que la religion, elle est facile. Par exemple, si tu es en voyage, au lieu de prier 4 rakats, le dhuhr, le asr et le isha, tu vas faire 2 rakats à la place. Ça, c'est pour Allah, il a facilité. Si, et le maghreb, il reste tel quel. Oui, le maghreb et le fajr, il reste tel quel. Par exemple, si c'est le ramadan, toi t'es malade, ou bien t'es en voyage, Allah il te permet de reprendre les jours plus tard, quand tu vas être guéri, ou quand tu vas être chez toi. Plein d'autres exemples comme ça. Tu fais le wudu, tu as mis tes chaussettes alors que tu étais en état de pureté, et bien par la suite, si tu as perdu ton wudu, tu n'es pas obligé de les enlever tes chaussettes. Tu peux juste passer ta main trempée, tu prends ta main mouillée, tu la passes par-dessus ta chaussette et ça suffit. Tu vois, ça c'est des exemples de la facilité de la religion. Non. Passer les mains mouillées. Bon, la question du Al-Mas al-Khufayn, c'est le prochain chapitre. Donc si tu veux, on peut attendre un peu, puis on va arriver à ce chapitre-là. Donc, on va en parler, Inch'Allah. D'accord? Ok. Le point numéro 7. أن دار المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة عمومية نافعة جدا. فإن الشارع الحكيم ترك فرض السواك على الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة خشية أن يفرضه الله عليهم فلا يقوم به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. Donc ça, le point numéro 7, c'est le dernier point qui a été mentionné parmi les points bénéfiques de ce hadith, et c'est la règle parmi les 5 règles de fiqh, hein, les 5 grandes règles de fiqh, dar ul mafasid, ou bien ça c'est une des règles parmi les règles de fiqh qui découle de la règle la darara wa la dirar. Si je ne me trompe pas, c'est une de ces règles qui découle de cette règle-là, et ça dit an dar ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Ça veut dire que de repousser un méfait ou des méfaits a précédence sur le fait de ramener quelque chose de bien. Hein? Repousser un mal a précédence sur le fait de ramener quelque chose de bénéfique ou de bien. Oui. Donc repousser quelque chose de mauvais ou de mal ou qui a qui va avoir des effets négatifs, c'est plus important et ça a précédence sur le fait de ramener un profit ou un bienfait. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parfois, il y a quelque chose, tu dis, ben si je le fais, ça va faire beaucoup de bien. Mais en même temps, ça va ramener du mal. Donc, repousser le mal, c'est plus important que le bien qui est dans cette chose-là. Donc, c'est plus important de repousser le mal qui est dedans que de penser au bien qui peut y arriver à cause de ça. C'est ça. جلب المفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Ça a rapport avec les masalih et les mafasid. Et quand il y a un mafsada, c'est-à-dire quelque chose de mal ou quelque chose de mauvais, eh bien, le plus important c'est de repousser le mal, c'est plus important que de ramener le bien. Et le cheikh il parle de cette règle, il dit que ça c'est une règle générale qui est très très bénéfique, car Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur sage, a laissé l'obligation du siwak, c'est-à-dire il n'a pas imposé à la umma le siwak, il ne l'a pas rendu obligatoire, malgré que dans le siwak il y a des biens, des grands bienfaits pour la umma, mais par crainte que si Allah subhanahu wa ta'ala le rendait obligatoire, il ne serait pas capable de le faire, et à cause de ça, ça ramènerait un plus grand méfait et un plus grand mal, c'est-à-dire l'abandon des obligations. Hein? Donc, pour éviter ce mal-là, il ne l'a pas rendu obligatoire. Donc ça, c'est quelques points qui ont été tirés de ce hadith-là. Et vous voyez comment un hadith aussi simple, qui paraît petit, très court, et pourtant, il y a plein de points bénéfiques dedans, des choses que parfois on n'a même pas imaginées. Eh bien, les ulama, eux, on voit comment eux, ils comprennent le hadith. Et c'est pour ça que c'est ça qui montre la grandeur et l'importance d'écouter nos ulama et de prendre la science de nos ulama. Parce que toi, tu vas lire un hadith comme ça, peut-être tu vas sentir deux ou trois points bénéfiques, peut-être moins même. Tandis que eux, ils vont t'en sortir des points bénéfiques, tu peux même pas savoir comment ils ont pensé à ça. Donc c'est très important de profiter de la science des ulama. Après, le cheikh il mentionne le hadith suivant. Parce que tous les hadiths qu'on va lire là aujourd'hui sont des hadiths qui sont reliés à ce sujet-là. Donc, si tu veux attendre après qu'on ait terminé pour poser les questions, parce que c'est possible que ta question soit répondue dans le prochain hadith ou dans l'autre hadith qui va venir après. Par rapport au haut. Ok, c'est laquelle? Quel numéro? Le point numéro 5. Ok, c'est quoi la question? Ok, c'est à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de l'affection et de l'amour pour sa umma, et comment il avait peur pour eux, comment il craignait que quelque chose de mal leur arrive. Non. Ok, donc le hadith numéro 18, c'est un hadith qui est rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman. Il dit عن حذيفة ibn al-Yaman أو حذيفة ibn al-Yaman رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أي نعم. والشوص دلك الأسنان بالمسواك عرضا. Ok, donc Hudhayfa il dit, Hudhayfa ibn al-Yaman, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait la nuit pour prier, il nettoyait sa bouche avec le siwak. Il frottait ses dents avec et il nettoyait sa bouche avec. Parce que quand on se réveille, quand on vient de dormir puis qu'on se réveille, souvent notre bouche elle est pâteuse, on a une mauvaise haleine, des choses comme ça. Donc première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il se réveillait, c'est nettoyer ses dents et sa bouche. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. Donc ça c'est pas trop long comme hadith et c'est très simple et très clair. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك ويقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. Donc c'est dans le sens de laver la bouche. Okay. Et le sens général de ce hadith, le cheikh il dit المعنى الإجمالي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشيط. Donc le cheikh il dit que par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nettoyait la bouche comme ça, c'est pour montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la propreté et il détestait la mauvaise haleine ou les mauvaises odeurs et les odeurs déplaisantes. Et lorsqu'il se réveillait la nuit d'un long sommeil, et en général quand on a un long sommeil, comme on a dit tout à l'heure, on a l'odeur de notre bouche, elle change. Donc on a habituellement une mauvaise haleine. Donc il nettoyait ses dents, sallallahu alayhi wa sallam, avec le siwak pour enlever cette mauvaise odeur qu'il avait, hein, et qu'on a lorsqu'on se réveille, et en même temps s'activer et se motiver à faire les actes d'adoration et la prière de la nuit. Parce que lorsque on vient de se réveiller, on est fatigué, pour couper le sommeil ou pour enlever le sommeil, eh bien, c'est bien de faire quelque chose comme ça, se brosser les dents, et de se nettoyer la bouche. Parce que c'est une des particularités du siwak, ça nous aide à nous activer et à être plus en forme, plus motivé pour faire qu'est-ce qu'on veut faire. Le point numéro, donc après le cheikh il mentionne les points tirés de ce hadith. Et dans ce hadith là, il y en a trois. Il y a trois points bénéfiques qui sont mentionnés. Parfois, il peut y avoir plus que trois, mais étant donné qu'il y a certains points qui ont été mentionnés par rapport au hadith précédent, donc il ne va pas les répéter à chaque fois. En général, il va juste rajouter des points qui n'ont pas été mentionnés dans le hadith précédent. Donc il dit ما يؤخذ من الحديث. اولا تاكيد مشروعيه السواك بعد نوم الليل وعلته ان النوم مقتض لتغير رائحه الفم والسواك هو آلة تنظيفيه ولهذا فانه يسن عند كل تغير. Donc le premier point, c'est que on voit que ce hadith confirme le fait que le siwak après le sommeil a été légiféré. Donc après le sommeil, le premier hadith c'était avant chaque salat. Ce hadith là c'est après le sommeil, quand on se réveille. D'accord? Donc déjà on prie 5 fois par jour, hein? Donc ça veut dire de se brosser les dents 5 fois, celui qui le fait, c'est recommandé. Donc celui qui le fait, il risque d'avoir une bouche toujours propre. Hein? Masha'Allah. Et s'il le fait, donc, un autre exemple, parmi les moments où c'est recommandé, fortement recommandé, c'est lorsque tu te lèves, hein, du sommeil. Et la raison de ça, c'est parce que lorsque tu te réveilles, c'est en général, lorsque tu viens de dormir, ta bouche a changé, ton odeur, l'odeur de ta bouche a changé, donc c'est quelque chose qui fait que à ce moment-là tu utilises le siwak pour te nettoyer la bouche et que c'est recommandé de l'utiliser à chaque fois que l'odeur de ta bouche a changé, c'est-à-dire même si c'est pas par rapport au réveil, même si c'est durant la journée ta bouche tu commences à avoir mauvaise haleine, tu nettoies ta bouche. Le point numéro 2, تأكيد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق. Donc confirmation du fait qu'il est légiféré d'utiliser le siwak chaque fois que l'odeur de la bouche change et qu'elle devient déplaisante ou mauvaise, hein, la laine devient mauvaise. Yani par rapport à ce qu'on a pris dans le hadith précédent ou la signification précédente. Le point numéro 3, مشروعية النظافة على وجه العموم وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآداب السامية. Donc le fait qu'il est légiféré de façon générale en islam d'être propre, La propreté, ça fait partie des règles générales de l'islam. Et ça, c'est une caractéristique de cette umma. Déjà, on fait notre wudu 5 fois par jour, on fait le rosul également, yani régulièrement aussi, hein, lorsque c'est nécessaire de le faire. Donc, les musulmans, ils sont toujours en train de se laver et en train d'avoir un contact avec l'eau. Et quand ils font leurs besoins, ils se nettoient avec de l'eau ou bien avec yani autre chose, mais en général, c'est avec de l'eau. Hein? Donc les musulmans sont les plus propres, les êtres humains les plus propres au monde. Tu ne peux pas trouver des êtres humains plus propres que les musulmans. Et ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose hein, que les gens n'avaient pas l'habitude de connaître, ce niveau de propreté là. Même en Europe, il n'y a pas longtemps, c'est connu historiquement que les Européens ne se lavaient jamais hein, et qu'ils sentaient mauvais et qu'ils se parfumaient beaucoup justement pour couvrir leur mauvaise odeur. Hey, non, des parfums, oui, c'est connu ça. Hein? Donc, les musulmans, depuis des siècles, et tout ça, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la guidance que Allah a donnée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour justement faire en sorte que sa umma soit bien guidée. Hein? Alhamdulillah. An-nadhafatu min al-iman, ça c'est pas un hadith. C'est pas un hadith, mais c'est une parole vraie. C'est-à-dire que ça fait partie des règles de la religion, puis d'être propre c'est important, mais c'est pas un hadith. Non. OK. Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec le hadith numéro 18. Le hadith numéro 19. An Aisha radiyallahu anha qalat دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك وقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي أخرجه البخاري وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم أخرجه البخاري وفي لفظ البخاري ولمسلم نحوه ليس الحديث بهذا المعنى عند مسلم. OK, donc ça c'est un autre hadith qui est apporté selon Aisha radiyallahu anha. Elle dit que Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Siddiq, c'est-à-dire le frère de Aisha, le fils de Abu Bakr, Abdurrahman, il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé sa tête sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est-à-dire, la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongée sur la poitrine de Aïcha, radiyallahu anha, c'est ça que je veux dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de mort. Hein? C'est quelques instants avant sa mort. Aïcha, radiyallahu anha, est allongée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allongé sa tête sur sa poitrine, hein, sur ici là. Hein. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa ana musnidatuhu ila sadri. Hein, ila sadri. Il dit et Abdurrahman est rentré, il avait un siwak. Hein. Donc il l'a donné, je l'ai pris et je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pris le miswak d'Abd al-Rahman, son frère, elle l'a arrangé pour lui et elle lui a donné. Non, parce qu'elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le miswak d'Abu Bakr, du fils d'Abu Bakr, c'est-à-dire Abd al-Rahman. Donc elle a pris le siwak, elle l'a arrangé comme il faut, puis elle lui a passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est nettoyé la bouche avec. Non, c'est-à-dire, Abdurrahman, il avait un siwak. Aïcha, radiallahu anha, elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé le siwak. Elle lui a pris et elle l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Abdurrahman, c'est le fils de Abu Bakr as-Siddiq, donc c'est le frère de Aïcha, radiallahu anha. Et donc elle l'a pris, elle l'a préparé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien comme il faut, puis elle lui a donné pour que lui se nettoie la bouche avec. Donc il a nettoyé ses dents avec et elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui se nettoyait aussi bien les dents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette fois-là en particulier, il l'a fait mieux qu'il l'a jamais fait avant. Et lorsqu'il a terminé de nettoyer sa bouche avec le miswak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main ou son doigt et il a dit fir rafiq al a'la thalathan, c'est-à-dire vers le compagnon le plus haut, le plus élevé, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ça trois fois et il est mort à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit, il est mort entre ma poitrine et ici la région qui est le cou là, entre mon cou et ma poitrine. Donc c'est cette région là, haqinati wa thaqinati, sous son menton et jusqu'à sa poitrine. Donc il avait sa tête à cet endroit là. Et dans l'autre version du hadith, ça dit, je l'ai vu qui regardait le miswak et j'ai su qu'il aimait le miswak. Alors j'ai dit, est-ce que je le prends pour toi? Et il a fait un signe avec sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe avec sa tête, oui. C'est-à-dire, et à ce moment-là, elle l'a pris, elle l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Al-Umaysan, la dernière fois qu'il est venu, il a dit, ça montre comment la femme doit connaître son mari, et comment elle doit savoir qu'est-ce qu'il aime, ça fait partie des fawa et du hadith. Donc le cheikh il dit en expliquant les termes de ce hadith là, yastanna bihi yamurru siwak ala asnanihi ka'annahu يحددها. Donc c'est ça. Il yastan bihi, il passe le miswak sur ses dents comme si il voulait les aiguiser, comme s'il voulait aiguiser ses dents. فأبده بتخفيف الباء الموحدة وتشديد الدال مد إليه بصره وأطاله. Donc فَأَبَدَّهُ بَصَرَهُ, c'est-à-dire il a fixé le siwak. Donc Aïcha radiallahu anha a remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé le siwak. C'est ça que ça veut dire. Tu regardes quelque chose, tu tends ton regard vers une chose, puis tu restes longtemps sur cette chose-là. C'est ça que ça veut dire abadda. Après il dit بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي الْحَاقِنَةِ بين الترقتين وحبل العاتق والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. الذاقنة c'est cette région là, puis الحاقنة c'est ici. Donc après il dit فقدمته بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وكذا ضبطته وكذا ضبطه ابن الأثير وغيره, أي مضغته بأسنان مضغته بأسنانها laynin. C'est-à-dire que qadamtuhu, c'est-à-dire elle l'a mordu légèrement avec ses dents. Elle a assoupli le miswak. Tu vois, elle a mordu le bout légèrement pour le préparer qu'il soit plus tendre ou plus doux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle dit donc après c'est quoi? Qadamtuhu wa tayyabtuhu. Et il dit wal qadm bi atraf al asnan. Donc al qadm c'est avec le bout des dents. OK? Wal khasm bil fam kullihi. OK. Donc ça c'est des différents mots pour expliquer la signification du terme. Le sens général de ce hadith, le cheikh il dit, le cheikh qu'est-ce qu'il explique maintenant? Il dit تذكر عائشة رضي الله عنها قصة تبين لنا مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك وتعلقه به وذلك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر أخا عائشة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حال النزع ومعه سواك رطب يدلك به أسنانه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع من محبته له فمد إليه بصره كالراغب فيه ففطنت عائشة رضي الله عنها له فأخذت السواك من أخيها وقصت رأس السواك المنقود ونقضت له رأسا جديدا ونظفته وطيبته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. Donc le cheikh il explique que Aïcha radiallahu anha, elle explique l'histoire qui montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait utiliser le siwak et à quel point il était attaché à cette utilisation-là, à l'utilisation du siwak. C'est que Abdurrahman ibn Abi Bakr, le frère de Aïcha, radiallahu anha, est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mourant, hein, à l'agonie. Et il avait avec lui un siwak humide, hein, comme on dit qui est frais, un siwak frais. Parce que des fois, le siwak qui est fait avec la racine de l'arak, parfois il est frais, c'est-à-dire on vient juste de le couper la racine, c'est là qu'il y a toute une arôme dedans qui est bonne. Quand il devient sec, après, c'est plus la même chose, c'est plus pareil. Donc il était frais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Abdurrahman en train de se nettoyer les dents avec. Et lorsqu'il l'a vu, eh bien, malgré qu'il était malade et qu'il était dans cet état mourant, eh bien, ça ne l'a pas empêché de montrer à quel point il aimait le miswak et à quel point il aurait voulu justement l'utiliser. Aïcha radiallahu anha, elle était une femme très intelligente. Et donc quand elle a vu ça, tout de suite elle a compris. Et elle a pris le miswak et elle a pris de son frère le miswak. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé la tête, parce que c'est une racine, donc tu peux facilement enlever un bout, puis tu prépares une nouvelle tête, hein, pour ce miswak-là, pour qu'une autre personne puisse l'utiliser. Donc c'est ça ce qu'elle a fait, Aïcha radiallahu anha, elle a coupé le bout, puis elle a préparé le miswak comme il faut pour qu'il soit bien doux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse l'utiliser comme il faut. Et c'est ce qu'il a fait. فما رأت عائشة تشوكا أحسن من تسوكه فلما طهر وفرغ من التسوك رفع أصبعه يوحد الله تعالى ويختار النقلة إلى ربه تعالى ثم توفي فكانت عائشة رضي الله عنها مغتبطة وحق لها ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في صدرها. Donc le cheikh il explique que Aïcha radiallahu anha, elle dit, j'ai pas vu quelqu'un se nettoyer la bouche et les dents avec un miswak mieux que la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et elle a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de faire le nettoyage de ses dents avec le miswak, il a levé son doigt vers le ciel pour indiquer l'unicité d'Allah, le fait qu'Allah est unique, et qu'il choisissait yani de retourner vers son Seigneur, parce qu'on lui a donné le choix, est-ce que tu veux encore continuer ta vie ou bien tu veux retourner vers ton Seigneur, et il a choisi de retourner vers son Seigneur, et à ce moment-là il est mort. Et Aïcha radiallahu anha a eu la chance d'être la personne sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, sa tête était sur sa poitrine, hein, radiallahu anha. Donc tout ça, ça montre le mérite en même temps de Aïcha radiallahu anha. Ah non, eux les chiites qui incitent Aïcha radiallahu anha, les ulama de toute façon à cause de ça, ils les déclarent kuffar, parce que Aïcha radiallahu anha, c'est la mère des croyants. C'est la mère des croyants. Et elle a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc celui qui l'insulte ou qui l'accuse de quoi que ce soit, eh bien, il y en a des ulama qui ont considéré ça comme étant une preuve de leur mécréance. Ok, il y a 5 points qu'on peut tirer de ce hadith qui sont mentionnés par le cheikh ici. Et c'est des points qui sont très courts. Le premier, c'est Al-Istiyak ou Bissiwak al-Ratb. Donc le premier, c'est le fait de faire le siwak, de se nettoyer les dents avec un miswak qui est frais, pas qui est sec ou vieux. Ça, c'est le premier point, d'utiliser un siwak qui est frais. Deuxièmement, islah al-siwak wa tahniyatuhu wa tahiyyat islah al-siwak wa tahiyyatuhu. C'est-à-dire de préparer le miswak comme il faut et de l'arranger proprement et correctement. Ça, c'est des choses qui sont enseignées par rapport à ce hadith-là. Si tu veux utiliser le siwak ou tu veux le donner à quelqu'un, bien, de le préparer comme il faut pour la personne. Le point numéro 3, al-istiyak bis-siwak, al-istiyak بسواك الغير بعد تطهيره وتنظيفه. C'est-à-dire que on peut utiliser le siwak de quelqu'un d'autre après l'avoir purifié et nettoyé. Ça, c'est la preuve, puisque le prophète صلى الله عليه وسلم a utilisé le miswak de Abdurrahman. Naam. Radiyallahu anhu. Et le cheikh, il dit comme point numéro 4, al-amal bima yufham min al-isharah wa al-dilalah. Ça, c'est un point qui est tiré de ce hadith, c'est qu'on peut agir selon ce qu'on a compris des signes que quelqu'un nous fait, ou des indications que quelqu'un nous donne par des signes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé « Est-ce que tu veux le miswak ?» et il a fait un signe avec sa tête pour dire oui. Et des choses de ce genre. Quand elle a vu qu'il fixait le miswak, elle l'a pris pour lui. Donc ça, c'est pour dire qu'on peut se baser ou agir sur ce qu'on a compris des indications de quelqu'un ou des signes qu'il nous a donné. Surtout que comme par exemple, il y a actuellement le langage des signes qui est pour les gens qui sont sourds. C'est comme une langue complète, il y a tout. Donc tu peux parler et dire ce que tu veux dire de cette façon-là sans problème. Le point numéro 5, al-rafiq al-a'la hum al-mushar ilayhim fi surat al-nisa alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Donc le cheikh dit al-rafiq al-a'la, le compagnon le plus élevé. Il dit, c'est ce qui est indiqué par les gens qui sont mentionnés dans Surat al-Nisa, c'est-à-dire ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ce sont Al-Rafiq al-A'la. Moi, je pensais que Al-Rafiq al-A'la, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il mentionne que ce sont les pieux, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Les prophètes, ça c'est dans le verset, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. C'est le compagnon le plus élevé ou le plus haut. Non, moi je croyais que c'est Allah. Mais ici il dit hum al-mushar ilayhim fi surat an-nisa. Donc peut-être que le cheikh lui l'a compris autrement. Allahu a'lam. Non, c'est pas mentionné les compagnons. C'est mentionné alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. C'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Al-Rafiq al-A'la. Al-Rafiq, c'est le compagnon. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc, Inch'Allah, je vais vérifier dans un autre charh de ce hadith pour vérifier la signification plus détaillée là-dessus. Et puis, on y reviendra. Je vais mettre une note. Mm-hmm. Il a dit, c'était ça? Oui, non, c'est ça. Moi aussi, c'est ce que je pensais, mais on va vérifier juste pour être sûr. Peut-être que il y a plusieurs tafsirs de ça. Le verset, c'est le verset 69 dans Surat An-Nisa. Aïna'ab. Tayyib. Et le dernier hadith dans le chapitre, c'est le hadith 20. Et c'est un hadith qui rajoute un petit détail par rapport à ce qu'on a lu dans les hadiths précédents. Il dit عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. Donc, qu'est-ce que ça signifie le hadith? C'est rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Il dit, je suis venu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, il nettoyait, il se nettoyait avec un miswak humide, un miswak frais. Et à ce moment-là, le bout du miswak ou du siwak était sur sa langue, et il faisait un bruit. Parce qu'il rentrait le miswak sur sa langue, pour gratter sa langue avec. Il dit وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه ولم يذكر الصفة. Donc ça c'est dans la version de. Tu veux fermer la fin? Ouais, le courant d'air. Peut-être qu'il... ouais. Ferme la porte de dehors, oui. Non, peut-être juste l'autre, celle qui est dehors, oui. Ouais, celle-là, tu peux la laisser ouverte, mais juste fermer l'autre dehors. Donc, c'est parce que il nettoyait sa langue, donc il faisait ce bruit avec sa bouche. Hein. Yani, le siwak était dans sa bouche comme s'il allait vomir. Comme s'il allait vomir. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, l'explication du cheikh, il dit un bi dhamm al-hamza wa sukun al-muhmala hikayat as-sawt al-mutaqayyi afwan. Naam, hikayat as-sawt al-mutaqayyi asluha ha. فأبدلت همزة وكأنه يتهوع يعني التهوع التقيؤ بصوت. Donc c'est ça, il faisait le bruit parce qu'il nettoyait son miswak, il nettoyait sa langue, et quand tu commences à aller un peu plus au fond avec le miswak, ça te fait comme donner le goût comme si tu allais vomir, Comme des fois, quand tu, même avec la brosse à dents, ça fait la même chose. Hein? Quand tu vas trop loin avec la brosse à dents, tu fais et on dirait que tu veux vomir avec avec le miswak. Donc c'est ça que c'est ça le bruit en fait. C'est dans ce sens-là. C'est le bruit que ça fait lorsque tu vas vomir. Et il dit justement, c'est tahawwu, c'est ça que ça veut dire. Vomir avec un avec le son, le bruit que ça fait lorsque tu c'est-à-dire lorsque quelqu'un est en train de vomir. Bien entendu, le professeur n'a pas vomi, mais c'est juste pour dire que ça faisait ce bruit-là parce qu'il allait nettoyer sa langue jusqu'au fond. Il nettoyait sa langue avec le miswak. Et ça, ça montre en même temps que le nettoyage de la bouche et des dents, c'est pas seulement les dents qu'il faut nettoyer, mais même la langue. Et ça a été même prouvé maintenant que la plupart des gens qui ont une mauvaise haleine, c'est parce que c'est, ça vient de leur langue, non pas de leur, de leur bouche. Quelqu'un a dit une fois, je me brosse les dents tous les jours, mais malgré ça, j'ai toujours mauvaise haleine. Parce qu'il ne nettoie pas sa langue. Donc, il a toujours mauvaise haleine à cause de ça. Donc, celui qui... Non, tahawwu, c'est le son que ça fait lorsque tu vomis. C'est-à-dire que le fait de vomir, c'est tahawwu, mais vomir en faisant un bruit. Et c'est le bruit de la, lorsque il y a quelque chose qui va sortir, ça fait. Oui, non, il y a beaucoup de saleté dans la langue, effectivement. Astiwak, c'est l'objet. Ou bien l'action aussi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le terme, le siwak pour désigner l'objet, puis pour désigner l'action aussi. Comme dans le verbe yastak, istak et yastak, yastak, c'est-à-dire il utilise le miswak. Yastak, istak, yastak. Il s'est nettoyé la bouche avec le miswak. C'est pas impératif, c'est le verbe présent, c'est yastak. Yastak, c'est présent. Istaka, c'est le passé. L'impératif, istaki. Donc, pour terminer l'explication du hadith, l'explication du sens du hadith, il dit Yazkuru Abu Musa al-Ash'ari annahu ja'a ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yastak bisiwakin ratbin. لأن إلقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ. Donc il dit que Abu Musa al-Ash'ari, il mentionne que il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se nettoyer la bouche avec un siwak frais. Et la raison, il dit parce que le siwak, quand il est frais, il nettoie mieux. Contrairement à celui qui est sec ou qui est vieux, il peut se défaire dans, comme il se brise dans la bouche, puis il peut faire, il peut même faire mal à la bouche aussi. Et il dit que il avait placé le siwak sur sa langue et il se frottait la langue à un point tel que c'est comme si on dirait qu'il allait vomir. Et il y a trois points qu'on peut tirer de ce hadith là. Le premier, mashru'iyyat at-tasawwuk bil'ud ar-ratb wa anna as-siwak min al-ibadat wal-qurubat. Donc le fait qu'il est légiféré d'utiliser le siwak qui est frais avec le bois frais et que le siwak fait partie des adorations et des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point, d'utiliser le bois frais et que ça fait partie des adorations et des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, مشروعية المبالغة في التسوق لأن في المبالغة كمال الإنقاء. Donc la permission, il est légiféré et permis de faire le tasawuk, de se nettoyer la bouche et d'y aller fort, en nettoyant notre bouche, pour yani, faire en sorte que notre nettoyage soit plus complet et plus parfait. D'accord? Yani, d'y aller yani, excessivement. Yani. Il passe vite deux, trois trucs et puis après ça fait rien. Donc il faut nettoyer rigoureusement. C'est ça que ça veut dire. Hein? De passer le miswak rigoureusement et que ça fait en sorte que la bouche va être plus propre. Et le point numéro 3, an yusta'mal as-siwak fi lisanihi, an yusta'mal as-siwak fi lisanihi fi ba'd al-ahyan. C'est-à-dire que parfois il utilisait aussi le siwak sur sa langue. Sur sa langue. Donc ça c'est ce qui vient conclure le chapitre du siwak. Et on a donc terminé cette partie-là. On est donc arrivé au hadith numéro 21. Donc on va le laisser pour la semaine prochaine. Et on est arrivé au chapitre Al-mas'hu ala al-khuffain. Al-mas'hu ala al-khuffain. C'est-à-dire, quand on fait le wudu et qu'on a déjà porté nos chaussettes en état de pureté, on les a mis alors qu'on était pur, au lieu de les nettoyer au complet, la prochaine fois qu'on perd le wudu, on peut uniquement passer la main mouillée sur le dessus de la chaussette, au lieu de les laver au complet. Donc ça, on va l'expliquer, on va parler de ça. Et on y un peu plus en détail au prochain cours, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayna.